Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous ce mercredi 3 août 2016. Voici le journal, l'édition de la soirée. Les grandes articulations, le journaliste Jean-Vic Grimana du groupe de Pressy Watch serait battu, affamé, mais toujours en vie, selon les informations fournies par cet organe de presse qui précise qu'il serait détenu dans une cellule du Service national des renseignements à Mouramvia. Le choléra, signalé dans les districts sanitaires de Kabézi et Bujumbura-Mairie-Sud, a déjà fait un mort à l'hôpital de Kabézi qui a accueilli 20 cas sous traitement. Le ministre de la Santé a fait le déplacement ce mercredi à cet hôpital. Et le protectionnisme des produits vivriers n'est pas mauvais en soi, mais c'est une décision qui devrait être accompagnée par d'autres mesures, surtout en cas de disette prolongée si les pays voisins font de même. Analyse de Faustin Dikoumana, économiste et président de l'association Parsem, après que le Burundi ait récemment décidé d'interdire aux produits vivriers de franchir les frontières du pays. Et la commercialisation des gilets de travail au taxi motard est en vol organisé, surtout que l'association Amotabou n'a pas encore fixé de prix au niveau national. Réaction du président de cette association intervenue après des lamentations des motards rémunérés de Gitega qui disent acheter cher ces gilets. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir. Malgré le déni de la police burundaise qui affirme que le journaliste Jean-Louis Grimana n'est pas détenu par elle ou les services de renseignement, des informations persistantes affirment que le journaliste serait enfermé dans une cellule des services de renseignement à Mouramvia. Selon le journal en ligne Iwachu, citant les mêmes sources, le journaliste a été sérieusement battu et il est affamé. Ces informations semblent confirmer l'enquête des journalistes d'Iwachu, qui avait effectivement démontré que la dernière trace du journaliste se perdait à Bugarama, à quelques dizaines de kilomètres de Mouramvia. Le journal Iwachu regrette que jusqu'ici, la police burundaise s'est murée dans le silence malgré ses nombreux appels. Pour cela, le groupe d'Oppressi Iwachu demande l'intervention rapide du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, avant qu'il ne soit trop tard. Pour Iwachu, le responsable du Service national des renseignements à Mouramvia sera tenu personnellement responsable de ce qui peut arriver au journaliste Jean-Louis Guilliman. Le gouvernement burundais refuse le déploiement de 228 policiers de l'ONU tel qu'adopté dans une résolution votée vendredi par le Conseil de sécurité. Cette résolution, dont le projet a été initié par la France, prévoit le déploiement progressif de 228 policiers de l'ONU au Burundi pour tenter d'y ramener le calme et de faire respecter les droits de l'homme. Ce texte demandait au gouvernement burundais de coopérer pleinement avec la force de police onusienne. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le gouvernement du Burundi rejette officiellement toute disposition de la résolution en rapport avec l'envoi d'une force quelconque sur son territoire, en violation des règles élémentaires régissant la famille des Nations Unies et surtout violant la souveraineté de son territoire. Le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba précise en outre que même l'éventualité d'accueillir jusqu'à 50 policiers onusiens est à reconsidérer, puisque, justifie-t-il, les forces de défense et de sécurité maîtrisent parfaitement la situation à l'intérieur de tout le territoire national. Il précise en revanche que les 100 observateurs et 100 experts militaires qui doivent être déployés par l'Union africaine restent les bienvenus. La résolution de l'ONU prévoit que ces policiers soient envoyés à Bujumbura et dans tout le Burundi pour une période initiale d'un an, et que leur mandat puisse être prolongé ou modifié si la situation empire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, l'épidémie de choléra sévit dans les districts sanitaires de Kabézi et de Bujumbura-Mairie-Sud. Une personne est déjà morte à l'hôpital de Kabézi qui a déjà accueilli 20 malades aujourd'hui sous traitement. Ce mercredi, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Josiane Nijimbere, s'était rendu à ce centre de traitement pour voir le niveau de prise en charge des malades. Le point avec Alida Ndaïkez. Le centre de santé de Kabézi, c'est le lieu qui accueille les premiers cas de choléra. De petits rubans rouges et blancs montrent la délimitation de ce centre de traitement et indiquent un accès limité au personnel soignant. Les malades sont traités gratuitement, comme le fait savoir le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Josiane Nijimbere. Jusqu'aujourd'hui, 20 malades de choléra confirmés ont été référés et admis dans l'hôpital de Kabézi gratuitement. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida informe la population que les médicaments et les autres intrants nécessaires pour faire face à cette épidémie sont disponibles. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite la population des districts sanitaires de Kabezi et Bujumbura Mairie Sud à se présenter rapidement au centre de santé le plus proche de l'apparition des symptômes du choléra, principalement la diarrhée. Le ministre invite la population à observer les 10 mesures d'hygiène pour se protéger contre le choléra. 20 cas de malades ont déjà été confirmés, dont un décès. Merci Alida. 5 élèves sur 7 accusés d'avoir gribouillé la photo du président de la République viennent d'être libérés provisoirement de la prison de Mourambia ce mercredi. Le président de la FENADEB, une fédération d'associations engagées dans la protection des droits de l'enfant, promet de faire tout ce qui est possible pour que les deux qui restent dans cette prison, de même que ceux qui sont dans d'autres prisons, soient tous libérés. Suivez Maître Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB. Nous avons apprécié la mesure prise par les autorités judiciaires de Mourambia de libérer provisoirement les 5 élèves, mais nous lançons également un appel à ces mêmes autorités pour que les 2 qui restent soient également libérés. Nous savons que ces élèves ont été libérés dans des conditions qui n'étaient pas du tout faciles, et surtout que leur détention avait été déjà confirmée par la cour d'appel. Et quand la détention est confirmée par la cour d'appel, c'est-à-dire on attend une audience à fond, on devrait attendre la fin des vacances judiciaires, c'est-à-dire après le 31 août, pour que ces enfants soient entendus à fond. Et les autorités judiciaires de Mourambia ont voulu préserver l'intérêt supérieur de ces élèves. Ils ont décidé de les libérer provisoirement en attendant la fin des investigations qu'ils sont en train de faire. Et les 2 autres qui restent dans la prison, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour eux? Nous espérons qu'on ne va pas aller trop loin parce que la position du gouvernement du Burundi est claire sur ce phénomène. Le gouvernement a décidé de pardonner tous les enfants, donc c'est juste question de procédure, sinon la position est claire. Il en est de même pour les 4 élèves qui sont emprisonnés à Ruyigi. On a déjà programmé l'audience le 5 août de cette année, donc c'est-à-dire vendredi de cette semaine. Et ces enfants seront entendus dans la chambre de conseil et nous espérons qu'ils seront libérés comme d'autres ont été libérés. Maître Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des associations engagées dans la protection des droits de l'enfant. 4 noms sont sur la liste des personnes qui seront nommées ambassadeurs. La liste a été envoyée au Sénat pour approbation ce matin et elle est soutenue par le ministre des Relations extérieures, ambassadeur Alain-Aimé Nyamitwe. Les 4 prochains ambassadeurs sont tous des hommes, raison pour laquelle les sénateurs ont insisté sur l'équilibre genre et régional dans de telles nominations. Le point avec Marie-Ange Nzeimana qui a été au Sénat pour nous. Parmi les 4 prochains ambassadeurs figurent Fayou Kourila Emmanuel, originaire de la province Kayanza, et il travaille à la présidence de la République. Gervais Abayeho, chargé de la communication à la présidence de la République et porte-parole du président Pierre Nkurunziza. Et puis le colonel Biherengende Jean-Baptiste du bureau de l'état-major de l'armée burundaise. Et Tabrenova, juriste qui travaille à l'Assemblée nationale du Burundi. Les sénateurs ont soulevé leurs inquiétudes sur le constat qui concerne la nomination des femmes dans le secteur de la diplomatie burundaise. Pour le sénateur Glorieuse Hakizimana, il y a peu de femmes parmi les ambassadeurs du Burundi dans les autres pays, alors que les femmes ont beaucoup d'atouts en matière de diplomatie. Vous savez, Excellence, Monsieur le Ministre, que le nombre de femmes ambassadrices est limité. Lorsque nous demandons la cause, la réponse est que les femmes ne doivent pas délaisser leur mari. Nous voulons encore une fois donner nos souhaits au gouvernement. Nous, en tant que femmes burundaises, ne comprenons pas pourquoi les femmes ne sont pas bien représentées au niveau de la diplomatie. Or, vous savez que les femmes sont les mieux indiquées en matière de diplomatie, puisqu'elles sont accueillantes, comme elles le font dans les ménages. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur l'équilibre régional. Nous avons été beaucoup plus sévères à votre prédécesseur, puisqu'il a mené souvent les ambassadeurs provenant d'une seule province. Il est arrivé un cas où il a amené pour approbation ce ressortissant pour la plupart de la province Ngozi. Et nous avons été en colère à ce sujet. Le ministre des Relations extérieures, ambassadeur Alain-Aimé Nyamitwe, a dit que c'est bon d'inclure les femmes dans la diplomatie burundaise, mais qu'ils mettent en avant les compétences avant toute autre chose. Il paraît qu'il y a un problème de suivi. En ce qui concerne les équilibres, elle a insisté surtout sur l'équilibre de genre. C'est bon de parler à propos des équilibres prévus par la Constitution en ce qui concerne les ethnies et le genre. Vous qui êtes partisans des partis politiques ou réunis dans divers cercles du pays, je vous conseillerais à respecter surtout la compétence. Il n'y a pas de problème quand on nomme une femme, mais il y a eu des cas où les femmes se sont montrées incompétentes, ce qui ne signifie pas que ce sont seulement les femmes qui sont incompétentes. Il y a même des hommes incompétents. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ceux qui se montrent incompétents sont rappelés. Il n'y aurait pas de problème si les femmes sont nommées, l'essentiel est qu'elles soient compétentes, puisque ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et vous saurez que les pays auxquels seront affectés ces nouveaux diplomates ne sont pas encore connus. Isanganiro. Dans la suite de ce journal, le protectionnisme des produits vivriers est salutaire, mais ne suffit pas pour combler le déficit alimentaire en cas de sécheresse prolongée. L'avis est du président de l'organisation PARSEM, après que le gouvernement ait pris la mesure d'interdire toute exportation des produits vivriers vers les pays frontaliers. Faustin Dikouman a dit qu'il y aurait un déficit si d'autres pays voisins prenaient la même mesure, ce qui entraînerait la hausse des prix de ces produits, a-t-il souligné. Écoutez-le. Des fois dans la vie des pays, il arrive des fois où les pays commencent à protéger certains articles ou certains produits. Mais aujourd'hui, si le Burundi décide de protéger le marché intérieur donc par rapport à la production alimentaire, oui, peut le faire. Si une fois elle voit une situation de précarité potentielle qui puisse se produire dans les prochains jours. Mais la question fondamentale qui surgit, est-ce que la production intérieure suffit-elle à elle seule pour vraiment couvrir les besoins alimentaires de notre population? Je le dis cela parce que au moment de la tenue des états généraux de l'agriculture et de l'élevage, on nous avait fait constater que le Burundi a un déficit de production alimentaire légèrement supérieur à 30%. Alors on fait se demander si vraiment, surtout que même actuellement d'autres pays commencent à mettre en application une telle pratique, en l'occurrence la Tanzanie, est-ce que si chaque pays s'autoprotège, se recroqueville sur lui-même en matière de production alimentaire, est-ce que le Burundi va y parvenir? Surtout, nous sommes habitués à avoir des produits comme le riz, le haricot, farine, du maïs qui nous viennent de la Tanzanie, de l'Ouganda. Plutôt, il faut qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnatoire, mais malheureusement, le problème est que ces mesures, quand elles sont prises, leurs effets risquent de se manifester à moyen ou à long terme. Et justement, si d'autres pays limitrophes prenaient des mesures similaires, qu'adviendrait-il dans le pays? Ça veut dire que le déficit de la production ne serait pas couvert. Ça veut dire que cette faim dont on parle va s'aggraver. Et l'inflation des produits alimentaires va se manifester encore plus. Faustin Dikouman le disait, il fait savoir qu'il doit y avoir des mesures accompagnatoires de cette décision et en cas de surproduction de certains aliments, il conseille qu'ils soient conservés industriellement pour être consommés en cas de disette. Les mesures accompagnatoires, c'est de vraiment allouer des moyens substantiels dans le secteur agricole avec des résultats concrets. Non pas toujours parler, écrire des livres sans toutefois que la mise en application soit évidente et concrète. Tout le contenu du programme national d'investissement agricole, il faut que ce soit mis en application parce que c'est lamentable de constater que dans certaines provinces, s'il y a une surproduction culturelle dans tel ou tel autre produit alimentaire, elle devient une difficulté. On dit qu'ingorane, au lieu de faire des conservations, des transformations, pour qu'en fin de compte, on puisse les consommer sous une autre forme et pour couvrir les périodes de disette et ou les périodes de famine. Mais malheureusement, la transparence de l'espace économique dans le cadre de la production alimentaire, elle n'est pas là. C'est pour cela que c'est un problème. Il faut investir l'engrais, la production, la conservation, parce que tous les potentialités sont là. La diversification culturelle, elle est possible au Burundi parce que nous avons plusieurs types de régions. Nous avons deux saisons, nous avons de l'eau suffisante. Même des produits moins nantis par rapport à ces potentialités. Donc, il faut quitter les textes pour mettre en application. Il faut mettre en application. Chercher les moyens, manifester une volonté politique pour justement casser même ces barrières psychologiques anti-réformes. Parce que nous avons un comportement vraiment réfractaire aux réformes et aux changements dans notre pays. Faustin Dikoumana, président de l'association Parsem au micro d'Oban Niyonguru. Les taxis motards dans la province de Gitega ne sont pas du tout contents du prix auquel ils achètent un gilet qu'ils doivent porter pendant le travail. Ce prix étant de 25 000 francs burundais, devrait être de 5 000 francs bourg. Le président de la Motabou à Gitega, Jadon Zitunga, dit que ce n'est pas lui qui fixe le tarif, mais il affirme qu'à Bujumbura, ce gilet coûte 20 000 francs bourg. À l'administration, on dit que le port du gilet a été rendu obligatoire pour des raisons de sécurité. Arthur Kababouchi. Le gilet que doit porter les taxis motards est de couleur verte avec des bordures peintes en rouge. Sur ce gilet, il y est écrit le nom de l'association à Motabou ainsi que quatre chiffres qui identifient le porteur. Selon ces taxis motards, la vraie valeur de ce gilet qu'ils sont appelés à porter est de 5 000 francs au lieu de 25 000 francs. Pour eux, c'est un vol qui se fait au grand jour et ils demandent de savoir où va cet argent et à quoi il va servir. Une autre chose que déplore ces taxis motards, c'est le fait que la police est en train d'arrêter ceux qui n'ont pas encore acheté ce gilet au moment où ils indiquent cher et que 25 000 francs est une somme difficile à avoir dans ce coup à cause de la pauvreté. À la Motabou Gitega, ils disent qu'ils comprennent cette situation et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils leur ont donné un supplémentaire. Pour ce qui est du prix, Jadon Zitunga, président de la Motabou à Gitega, fait savoir que ce n'est pas lui qui fixe les prix et que les 5 000 francs qui s'ajoutent sur les 20 000 francs de Bujumbura servent à payer le transport de Bujumbura vers Gitega. Cependant, à l'administration et à la Motabou Gitega, ils disent que le port du gilet a été décidé pour des raisons de sécurité ainsi que pour permettre aux agents de l'ordre de pouvoir identifier sans difficulté les taxis motos des motos des particuliers. Sachez qu'il y a 2 mois, dans la même province de Gitega, que chaque taxi moto devait payer 45 000 francs pour qu'on indique dessus son parking. Arthur Kababouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Réaction du président de l'association Amotabou au niveau national. Il dit que c'est un vol qui est organisé par des gens qui se font passer pour des représentants provinciaux de l'Amotabou alors qu'ils ne sont pas. Ce président de cette association au niveau national dit que la Motabou n'a pas encore fixé le prix de ses gilets et demande à la police et à l'administration provinciale d'empêcher ces inconnus de continuer à voler la population. Suivez Artemon Ndayegami. Nous avons été surpris quand nous l'avons appris. En tant que représentant de la Motabou au niveau national, jusqu'ici, nous n'avons délivré aucun gilet. Nous ne savons pas l'origine de ces gilets qui sont vendus, raison pour laquelle nous demandons à l'administration et à la police de la province de Gitega, de toutes les provinces d'ailleurs, de suivre de près ce commerce qui n'est autre qu'un vol organisé par des gens qui se font passer pour nous. Je souligne que nous n'avons pas encore commencé à vendre ces gilets. Je demande aux membres de la Motabou de toujours demander des orientations au siège de la Motabou à Bujumbura pour savoir quel comportement adopter. Présentement, nous sommes en train de préparer une réunion avec nos représentants dans les provinces pour trouver le meilleur moyen de faire parvenir ces gilets à nos membres partout dans le pays. Artemon Ndayegamiye, président de la Motabou au niveau national. Il a été traduit par Joseph Sabiyabandi. Quelques nouvelles brèves pour boucler ce journal. Une Rwandaise du nom de Mukankusi Christine se trouve au cachot du commissariat de police à Karusi depuis ce mardi. La police indique qu'elle a été arrêtée à Gihogazi sur la colline Ramba et explique que cette mère de 54 ans a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Elle signale que cette femme est originaire de Gisenyi et venait d'être refoulée de la République unis de Tanzanie depuis le 28 juillet passé. Cette mère rwandaise présente déjà des jambes gonflées, expliquant qu'elle venait de faire 4 jours de marche. Une personne non encore connue qui était sur une moto a lancé une grenade dans un champ de manioc se trouvant tout près du ménage du commissaire provincial de la police, Abou Banza. C'était aux environs 5 heures du matin. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngourikiye, affirme que la grenade n'a pas causé de dégâts. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser depuis la mi-journée. Merci à François Akimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent et une bonne soirée.